بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على أن مد في أعمارنا وأنعم علينا حتى أظلنا شهر شعبان، هذا الشهر الكريم الذي أحاطه الله سبحانه وتعالى بشهرين عظيمين، هما شهر الله المحرم، هما شهر الله الحرام رجب، وشهر رمضان المبارك. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الأيام الفاضلة وهذه الأوقات الشريفة بالأعمال الصالحة، مخلصا في ذلك لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, louange à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir octroyé la vie et de nous avoir permis de vivre ce qu'il veut de ce noble mois de Sha'ban, le mois qui est situé entre deux nobles mois, le mois sacré d'Allah, Rajab, et le mois de Ramadan. Il convient à tout musulman et à toute musulmane de profiter du butin de six jours méritoires et de tous les moments méritoires avec l'accomplissement des bonnes œuvres, sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faragh, wal-hadithu akhrajahu al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fas-sihhatu wal-faragh min a'azami al-ni'am allati an'amaha Allah ala 'ibadihi. Fa'ala المسلم أن يستغل هذه النعم في طاعة الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة، وأن يضع في ميزان أعماله اليوم ما يسره أن يراه يوم لقاء الله عز وجل. فنعمتان مغبون فيما كثيرا من الناس، الغبن هو الذي ضيع رأس المال والفضل، الربح ورأس المال ضاعوا، وهاتان النعمتان يضيعهما كثير من الناس عندما يكون الإنسان صحيح وعندما يكون عنده وقت، فتضيع عليه هذه فيما لا تحمد عقباه. Et notre message sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, beaucoup de gens ont fait faillite dans deux bienfaits, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre font partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels il accomplit ses soumis. Et il est du devoir du musulman d'utiliser ses bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir beaucoup de bonnes œuvres, et qu'il remplisse sa balance aujourd'hui avec les œuvres qui vont lui prévaloir le bonheur dans l'au-delà. Et qui vont lui prodiguer le bonheur dans le delà et qui vont le préserver du feu de l'enfer le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر صاحب كتاب الأيام والليالي والشهور قول الإمام البصري رحمه الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا ينادي ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. هكذا يقول الإمام البصري، أن كل يوم ينفرق فجره، ها، يقول لك: يا ابن آدم، أنا نهار جديد، شوف واش بتدير فيها، عمرني ها بالأعمال الصالحة، لأنه إلى غربت الشمس ديالي راه غادي نمشي، غادي نتلقى معك حتى يوم القيامة باش نشهد لك على أعمالك. ها اي دونك لوتور دو ليفر لي جور لي نوي لي موا رابورت لا بارول دو الحسن البصري رحمه الله تعالى كي يدي لوب دو شاك جور كي سوليف لو جور ابل لو جور ابل اون ديزون او فيس دادام Je suis un nouveau jour et je suis témoin de tes œuvres. Prends tes provisions de bien durant ma journée. Car une fois le soleil couché, je ne reviendrai que le jour de la résurrection. Fin de citation. Chaque jour dont l'aube se lève, hein, il faut que tu profites de cette journée-là en accomplissement ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de toi. Parce qu'une fois que le soleil se couche, khlas, cette journée te dit au revoir. On se retrouvera le jour de la résurrection pour témoigner et pour être un témoin contre ce que tu as fait ou être un témoin pour toi ou contre toi, selon ce que la personne aura fait. Le musulman al-aqil عليه أن يغتنم هذه الأيام الفاضلة والأوقات الشريفة وأن يتزود بالتقوى ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فينبغي على المسلم أن يبادر ويسارع باغتنام هذه الأيام المباركة وخاصة في هذا الزمان. هذا الزمان زمن الفتن، هذا الزمان الذي نعيشه من خصائصه من خصوصيته أنه زمن الفتن، الأمراض والأسقام والأوبئة والحروب عياذا بالله، حيث زمن انقلبت فيه الموازين وتبدلت المعايير وضاعت المثل العليا عند كثير الناس وتأثرت الأخلاق وقطعت الأرحام عند الكثير واختلطت الأمور وتشعبت الأهواء والبدع كثرت واختلط المنكر بالمعروف. فهذا زمان الفتن، هذا زمان الفتن، ولهذا في هذا الزمن يجب على الإنسان أن يتمسك بدينه وأن يتزود بالتقوى، أي يمتثل الأوامر وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رجاء ثواب الله، ويجتنب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله مخافة عقاب الله عز وجل. دونك فرول الله سبحانه وتعالى le musulman doué de raison qui est digne du conseil pour lui-même, doit profiter du butin de ses jours méritoires et des moments et des heures méritoires, il doit en profiter. Et il doit faire ses provisions de taqwa, taqwa qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec preuve venant du livre et de la sunna, en espérant la clémence d'Allah. Il sait aussi s'abstenir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Avec preuve, venant du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah azza wa jal. Et ça, c'est la provision que la personne doit acquérir. Mettre en application, en ayant l'espoir de la clémence d'Allah. Et s'abstenir, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci, il doit le faire pour le jour où il va rencontrer Allah, où plus rien ne va servir. Ni la fortune, ni les biens, ni la famille, ni les enfants. Plus personne ne servira pour qui que ce soit. Celui qui va être heureux, c'est celui qui va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Un cœur qui a été soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été épargné des ambiguïtés et des tentations, et qui a été soumis complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va servir à la personne. Donc, il nous incombe d'accourir et d'entreprendre les bonnes œuvres pour profiter de ce noble mois du Shaban et de ce noble butin avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Surtout à notre époque, l'époque que nous vivons, la caractéristique principale de cette époque, c'est la fitane, c'est les troubles, c'est les séditions, les ambiguïtés, les tentations, les maladies, les pandémies, les guerres. Qu'Allah nous en préserve. Les repères durant notre époque ont été chamboulés. Ainsi, les baromètres ont été faussés. Les bonnes mœurs délaissées chez beaucoup de gens. La noblesse du comportement a été altérée chez beaucoup. Les liens de sang sont coupés chez beaucoup de gens. Les situations sont devenues confuses. Les passions et les innovations ont pignon sur rue et ils ont augmenté. Le blâmable s'est mélangé au convenable. Donc, c'est une époque de fitaine, une époque de sédition et de trouble. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنواع الفتن وما يحصل في آخر الزمان ودلنا صلى الله عليه وسلم إلى طريق النجاة من هذه الفتن بالثبات على الصراط المستقيم والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم على منهج وفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذا هو الطريق الذي ينجينا من هذه الفتن، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Notre prophète صلى الله عليه وسلم nous a cité les différentes fitaines et ce qui va arriver à la fin des temps comme fitaine. Il nous a orienté vers la voie du salut, pour être sauvé de ces fitaines, et pour être sauvé dans le delà. Et ceci passe par le fait de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Fazamanul fitan yanbaghi lil muslim an yatazawwada bit taqwa ويغتنم هذه الأيام الفاضلة ومنها هذا الشهر شهر شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن ومن زمن الفتن وأمرنا بالمصارعة إلى الأعمال الصالحة والإكثار من الأعمال الصالحة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا قليل يبيع دينه بغرض من الدنيا قليل وأنت ترى أحوال الناس إلا من رحم الله فينبغي للمسلم أن يبادر بالأعمال وأن يصارع إلى الطاعات وأن يغتنم الأيام الفاضلة ومواسم الخير كهذا الشهر المبارك وخاصة في هذا الزمان زمن الفتن l'époque des fitaines pendant l'époque des séditions et des troubles le musulman doit s'approvisionner de la taqwa. Et il doit profiter des nobles jours et des jours qui sont méritoires et des saisons qui sont méritoires, qui ont des mérites chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce mois de Sha'ban. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre le temps des fitanes. Et il nous a ordonné d'accourir, d'entreprendre les bonnes œuvres et de faire beaucoup de bonnes œuvres. Il a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, entreprenez les bonnes œuvres, car il va y avoir des fitaines comme les ténèbres de la nuit. Beaucoup de fitaines. Quand tu as les ténèbres de la nuit, tu vois rien. Avec les fitaines, tu vois rien, plus rien, tout est confus. Hein? Il va y avoir des fitaines comme les ténèbres de la nuit. L'homme se réveille croyant, et le soir il devient mécréant. Et il est croyant le lendemain, et le lendemain mécréant, l'homme se réveille croyant, et le soir il devient mécréant, le soir il est croyant, et le lendemain il est mécréant. Ils vont sa religion pour les picunes de ce bas monde, pour peu de choses de ce bas monde, ils vont sa religion. Allah al-Musta'an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc il est obligatoire aux musulmans d'entreprendre les bonnes œuvres et d'accourir vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et de profiter du butin des pays, des jours méritoires, surtout à notre époque, où nous sommes entourés par un déluge de fitaines. Ibn Rajab, rahimahullah, a dit dans la Ta'if al-Ma'arif, Allah a instauré certains actes durant les mois lunaires, comme le jeûne, la zakat, le pèlerinage. Certains actes sont obligatoires, comme le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Et il y a d'autres actes qui sont surrogatoires, comme le fait de jeûner le mois de Sha'ban et de jeûner durant les 6 premiers jours du mois de Shawwal, ainsi que de jeûner durant les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a donné des mérites particuliers à certains mois par rapport à d'autres mois de l'année. قال عز وجل منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على أخرى. فهذه أربعة أشهر الحرم فضلها الله سبحانه وتعالى. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ابن رجب رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى جعل للناس بعض الأعمال في بعض الأوقات خلال هذه الشهور القمرية كالزكاة وكالصيام ومنها وكالحج، منها ما هو فريضة ومنها ما هو من باب النافلة. شهر رمضان صيامه فرض، وفي شعبان الصيام من النوافل ومن السنن، كذلك في شوال. والله سبحانه وتعالى اختار بعض الأوقات وفضلها على أخرى، وفضل كذلك بعض الأماكن. Et dans le verset, c'était ici, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, et quatre mois d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture, ne vous faites pas du tort à vous-même en ces mois. Dans Surat al-Repentir, verset 36. Donc tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a privilégié certains mois, il leur a donné une certaine particularité. Les 12 mois de l'année font partie de ces 12 mois, 4 qui sont sacrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala كذلك فضل بعض المواسم كموسم الحج. قال سبحانه وتعالى الحج أشهر المعلومات فهي أشهر معلومة. Et donc et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a donné certaines particularités à certaines saisons, comme la période des pèlerinages, où il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, le pèlerinage a lieu en des mois connus. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de Shawwal, il s'agit de Dhul-Qa'da et des premiers jours de Dhul-Hijja. Hada, c'est la saison d'Al-Hajj. Et il a sa particularité. Fa ayyam al-Hajj, au shuhur al-Hajj, Shawwal, Dhul-Qa'da wa 10 al-'Ashr al-Awwal min Dhul-Hijja. Fa hadhihi la fadha'iluha kadhalik. Wa qala subhanahu wa ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا هو الشهر الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه وهو رمضان. وإلا فالأشهر الحرم الأربعة ذكرها ذكر صفتها، إلا أن رمضان ذكره باسمه سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا يدلك على فضل هذا الشهر وشرف هذا الشهر. إذنك Et aussi, il est dit dans le verset dans Surat al-Baqarah, dans la traduction approximative du sens du verset, et le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. C'est le seul mois de l'année qui a été nommé par son nom, Ramadan. Sinon, les autres mois particuliers qui ont des particularités, qui sont les mois sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce sont quatre mois sacrés. Il les a nommés par leurs caractéristiques. Et non pas par leur nom, sauf le mois de Ramadan. Et cela te prouve les mérites de ce mois. Allah donc a fait que certains jours et certaines nuits sont plus méritoires que d'autres. Et il a fait que la nuit du destin est mieux que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala faddala ba'd al-ayyam ba'd al-azmina wa ja'ala laylat al-qadr afdal min 1000 shahr. Allah a fait le serment avec les 10 nuits. Et selon l'avis prépondérant, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bi layali al-ashr. والكلام والراجح فيها أنها العشر الأول من ذي الحجة. Ce sont les 10 premiers jours de ذي الحجة. Avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait le serment parce qu'ils sont nobles et pour leur montrer leur importance. Et à chaque saison et à chaque moment méritoire, il y a des actes à accomplir pour se rapprocher d'Allah et être dans son obéissance. في كل موسم وفي كل وقت هناك عبادات يتقرب وطاعات يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في هذه المواسم مواسم الخير وفي كل الأوقات ها الله durant ces moments méritoires comble de sa miséricorde qui il veut parmi ses soumis فهو الذي ينعم على من يشاء سبحانه وتعالى ويكرم من يشاء ويهدي من يشاء. Le bienheureux, c'est celui qui profite de ses mois et ses jours et ses heures méritoires en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des obéissances dans l'espoir d'être comblé par les brises de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui prodiguera le bonheur et qui le protégera des fitanes, qui le protégera du feu de l'enfer. Fin de citation du parole d'Ibn Rajab rahmatullah alayh. فالسعيد ومن يغتنم هذه الفرص وهذه المواسم في طاعة الله عز وجل لكي تصيبه نفحات رحمة الله عز وجل نفحات تلك المواسم نفحات الرحمة في تلك المواسم ولكي تنفعه تلك الرحمة ها وتسعده في الدنيا وفي الآخرة وتنجيه من عذاب الله عز وجل. وها نحن قد جاءتنا الفرصة هذه الفرصة الكبيرة وأنعم الله علينا بالحياة في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. وهذا الشهر اعتنى به سلفنا الصالح رضوان الله عليهم واهتموا به اهتماما عظيما لأن شعبان كالمقدمة لشهر رمضان كهذه الرواتب التي عندنا في الصلاة التي نصلي قبل الفريضة. فشعبان هو كالراتبة القبلية لرمضان كما أن شوال هو الراتبة البعدية لشهر رمضان. ولذلك كان سلفنا الصالح يهتمون بهذا الشهر المبارك شهر شعبان وكانوا يقضونه كله في أعمال رمضان الصيام قراءة القرآن وهكذا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الشهر تعظيما كبيرا عليه الصلاة والسلام. Et donc, nous voilà au début de ce 8e mois de Sha'ban, de ces 8e mois de l'année lunaire, le mois de Sha'ban, ce mois qui a beaucoup de mérite et qui fait partie de ces moments méritoires. Et les historiens ont divergé concernant le nom de ce mois, mais ils sont unanimes que le terme Sha'ban dérive du mot At-Tasha'ub, qui signifie la dispersion. D'où certaines interprétations du mot Sha'ban, dont l'une nous dit que durant ce mois, les Arabes se dispersaient dans les vallées, entre les montagnes, à la recherche des sources d'eau. Et une autre nous dit qu'ils se dispersaient pour les batailles, les brigandages, après le mois sacré de Rajab, durant lequel les combats sont interdits. Une autre interprétation nous dit qu'ils se dispersaient pour chercher les dons des rois. Une autre nous dit qu'il a été nommé Sha'ban car il sépare deux nobles mois, le mois sacré de Rajab et le mois de Ramadan. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, explique Sha'b, la racine de Sha'ban, par l'union Et le motif de ce nom, ils disent, c'est qu'il réunit beaucoup de biens pour préparer, pour se préparer pour le mois de Ramadan. هذا الشهر الثامن من السنة القمرية فضائله كثيرة كما جاءت في السنة المؤرخون اختلفوا في اسم هذا الشهر لماذا سمي هذا الشهر بشعبان لكن متفقون أن كلمة التشعب هي التفرق التشعب والتفرق ومن هنا جاءت بعض المعاني لكلمة شعبان منها أنه يقال أن العرب كانت تتفرق فيه بحثا عن المياه بين الجبال بحثا عن عيون المياه بين الجبال وأخرى تقول بأنهم كانوا يتفرقون للمعارك وللهجوم على القوافل لأنه في شهر رجب قبل شعبان ممنوع الحروب ممنوع كل هذا كل الغزوات وكل هذا فيقول أن هذا كذلك يتفرقون لأجل هذا ومن وجاءت معنى آخر يقول بأنهم يتفرقون ويذهبون للملوك لأخذ عطايا الملوك وكذلك يقال أنه سمي بشعبان لأنه يفرق بين شهرين عظيمين رجب ورمضان ابن حجر رحمه الله يقول الشعب الذي هو مصدر شعبان معناه الاجتماع ويقول والهدف من هذا الاسم أن شعبان يجمع كثير من الخير للتهيئة لرمضان شعبان يجمع كثير من الخير للتهيئة لشهر رمضان dans les annales de l'histoire on rapporte que Shaban, ce mois de Shaban a été nommé ainsi en l'an 412 de l'ère grégorien c'est-à-dire durant la vie du cinquième grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Kilab ibn Murra Les Arabes avaient l'habitude de nommer les mois par les plus importants événements qui s'y sont déroulés. Et comme c'est le cas pour les deux mois de Jumada, Jumada al-Oula ou Jumada al-Tani, Jumada 1er et Jumada 2, qui ont été nommés ainsi car les eaux ont gelé à l'époque où ils ont été nommés. À l'époque de leur nomination, l'eau a gelé dans les vallées. Et leur terme Jumada vient du mot Jamada, qui veut dire être gelé. Dans les livres de l'histoire, il est dit que ce nom, Shaban, est nommé par ce mois de Tamin de l'année Hijri, de l'année Qamariya, dans l'année 412 de l'année Miladia. في فترة حياة الجد الخامس لمحمد صلى الله عليه وسلم كلاب بن مرة والعرب كان من عاداتها أن تسمي الشهور بما يقع فيها من أمور مهمة مثلا خذ لك جمادى الأولى وجمادى الثانية سميت لأن الماء تجمد في وقت تسميتها تجمد الماء Et donc, durant ce mois, ce noble mois est une occasion pour nous, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Et ce mois, Salaf, Ridwanullah alayhi, lui donnait beaucoup d'importance. Car Shaban, c'est comme une introduction pour le mois de Ramadan. Nos prières obligatoires, on fait bien des surrogatoires avant. دور كعات وكثر كعات أبون دور دور كعات أبخي الدور ينسي دو سويت بشعبان سيكم لجن سيروغاتوار أبون المواد رمضان يبي باغيبي أبخي المواد رمضان أبخي لبليغاسيون دو جن شوال سوايت لسيروغاتوار دابخي لبليغاسيون دو جن دو مواد رمضان Donc c'est comme une introduction pour le mois de Ramadan, c'est pour ça que Salaf, Ridwanullah alayhim, passait ce mois dans l'accomplissement des œuvres qui s'accomplissaient durant le mois de Ramadan. Lecture du Coran, jeûne et ainsi de suite. Et d'autres adorations. Tout ceci pour se préparer pour le mois de Ramadan. Et pour s'habituer à l'obéissance au miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah donnait une grande importance au mois de Sha'ban. Fa'an Aisha radiyallahu anha, fima akhraja l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان فكان عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة وهي أعلم به أنه كان يكثر الصيام في شعبان وأنه ما استكمل شهرا في الصيام إلا رمضان ولكن كان يكثر الصيام في شعبان فكان صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الشهر شهر شعبان وكان يصومه بل يصومه أكثر شهر شعبان تقول عائشة رضي الله عنها وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان كان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. Et donc, Aïcha, notre mère, radiyallahu anha wa ardaha, a dit, le messager d'Allah jeûnait si bien que nous disons qu'il ne rompait jamais le jeûne et restait dans l'état du non-jeûneur si bien que nous disions qu'il ne jeûnait pas. Je n'ai jamais vu, il a dit, radiyallahu anha wa ardaha, je n'ai jamais vu le messager d'Allah mener à bout le jeûne d'un mois, sauf le mois de Ramadan. Je ne l'ai jamais vu faire plus de jeûne que durant Sha'ban. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Jamais le prophète n'a jeûné un mois complet à part le mois de Ramadan, mais il jeûnait la plupart du mois de Sha'ban, comme le relate le hadith, la parole de Aïcha Ridwanullah alayha. Et cela nous prouve l'importance que donnait le messager alayhi salatu wassalam à ce mois. Écoute ce que dit notre mère Aïcha, je ne l'ai jamais vu plus, faire plus de jeûne que durant le mois de Sha'ban. Cela nous prouve l'importance qu'avait ce mois chez le prophète alayhi salam. Et comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam accomplissait et jeûnait durant ce mois de Sha'ban beaucoup. Wa yaqulu kadhalika Usama ibn Zayd radiyallahu anhu wa ardaah wa huwa yas'alu Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam فيما أخرج ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عن الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. انظر فضيلة هذا الشهر. يسأل زيد أسامة بن زيد يسأل رسول الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر أكثر ما تصوم في شعبان فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل عنه الناس هاتى بين رجب ورمضان هذا شهر محرم هذا شهر الله الحرام رجب وبعده رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله وهو صائم صلوات ربي وسلامه عليه والناس كانت تهتم كثيرا برجب ويعلم الله كم من البدع ابتدعتها الناس في رجب هذه احتفال بالإسراء هذا كذا أمور والله المستعان مع أنه لا دليل على أن الإسراء وقع في شهر رجب والخلاف فيها كبير عند أهل العلم ولكن الهوى إذا سيطر على الناس فهكذا يقع الابتداع في دين الله عز وجل Et aussi Oussama, ainsi Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu wa arda, a dit, j'ai dit au messager d'Allah, il questionne le messager d'Allah parce qu'il a vu faire des actes durant ce mois, le jeûne, jeûner beaucoup durant ce mois, et regardez ce qui préoccupait les nobles compagnons d'Allah. D'où l'importance de les suivre, et qu'on ne peut pas apprendre notre religion et avoir une religion correcte si on ne l'a pas sûre avec sur la voie des nobles compagnons d'Allah. Oussama ibn Zayd dit, j'ai dit au messager d'Allah, contrairement aux autres mois de l'année, je te vois jeûner beaucoup durant Shaban. Contrairement au mois de l'année, je te vois beaucoup jeûner durant le mois de Shaban. Le messager d'Allah lui a répondu, les gens sont inattentifs à ce mois qui est entre Rajab et Ramadan. Les gens sont inattentifs à ce mois qui est entre Rajab et Ramadan. Et c'est à moi, dit le messager alayhi salam, au cours duquel les œuvres sont élevées vers le souverain subhanahu wa ta'ala, vers le souverain des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées et présentées à Allah subhanahu wa ta'ala alors que je suis en état de jeûne. Le hadith, il est sahih, il est chez Ibn Khuzayma, rahmatullahi alayhi. Regarde maintenant, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous montre pourquoi il donnait l'importance à Shaban. C'est un mois qui est entre eux, un mois sacré, Rajab et Ramadan. Les gens s'occupent beaucoup de ce mois, de sacré de Rajab, à tel point qu'ils ont créé la Umrah de Rajab, ils ont créé la fête de l'Ascension, le Mi'raj, Kada, alors que tout ceci, ce n'est que de l'innovation. Les historiens ont divergé sur, je ne sais plus combien de paroles, sur est-ce que l'Ascension a eu lieu durant le mois de Rajab. Tous sont, disent qu'il n'y a pas eu lieu pendant le mois de Rajab. Personne ne sait le jour où il a eu lieu. Hein? Et les gens, quand ils sont les innovations et les passions s'accaparent des gens, ben il les fait délirer, il les fait errer dans les fleuves des passions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en présente. Et regarde les gens. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il attire notre attention de ne pas être inattentif comme beaucoup de gens à ce mois qui est le mois de Shaban. Et il a dit aussi que c'est un mois durant lequel les œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il aimait, alayhi salatu wassalam, que ses œuvres soient présentées alors qu'il est en état de jeûne. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous devons profiter de ce noble mois. Donc, le hadith de Oussama, hada hadith Oussama, yubayyin lana. يبين لنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الشهر ويصومه أكثره عليه الصلاة والسلام لأن الناس غافلون عن هذا الشهر إذنك الحديث دوسامة رضي الله عنه وارضاه أنه كلاريفي سور لو فيت كو لو ميساجي دالله جوني بوكو شعبان كار لي جون سون إناتونتيف أ سو موا. Avant Shaban, ils étaient occupés par le mois sacré de Rajab. Et puis après, par Ramadan. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, les gens sont inattentifs à ce mois qui se situe entre Rajab et Ramadan. Et il a dit, pour clarifier l'importance de Shaban, c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers Allah. Et cela nous explique le pourquoi du jeûne que le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûnait beaucoup durant le mois de Shaban. Et pourquoi il donnait cette importance au mois de Shaban. Hakada, l'ibadat, fi waqti ghaflati nnas. L'ibadat, fi waqti ghaflati nnas, yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yutibu alayha al-thawab al-azim. Akhtar min ghayriha. Wa lidha, kana dhikru Allah ta'ala fi al-aswaq, waqta al-laghat, waqta al-bay' wa al-shira. له أجر عظيم تضاعف فيه الحسنات لأن الناس مشتغلة بالبيع والشراء واللغط في الأسواق وقيل وقالوا فيقل عندهم ذكر الله فالذي يذكر الله تعالى في وقت اللغط ووقت البيع والشراء له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تأمل ما أخرج الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة وهو في صحيح الكلم الطيب لابن تيمية رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، أين؟ في الأسواق. كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. تأمل أنت هذا الأجر، ألف ألف حسنة تكتب لك. عندما تذكر الله في السوق وأنت تذهب لقضاء حاجتك وتتذكر هذا الدعاء، هذا الذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. انظر تأمل الأجر كيف هو عند الله سبحانه وتعالى. Donc, il en est ainsi pour les adorations au moment où les gens sont inattentifs. Ces adorations au moment où les gens sont inattentifs sont aimées min Allah Azza wa Jal. Sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve beaucoup de récompenses, plus que les autres. C'est pour cela que le fait d'évoquer Allah dans les centres commerciaux et sur les places du marché, pendant le brouhaha des commerçants et des clients, et pendant où les gens sont occupés à parler et à dire n'importe quoi et à se donner des nouvelles, etc., et les commerçants qui crient, etc., ben là, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, on a d'énormes récompenses. Car les gens sont inattentifs, sont occupés dans leur commerce, dans leur discussion. Les cris, et ainsi de suite. Et ils ont dit, nous avons dit, et n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de répéter ce dua dans les marchés, tu as mille et mille hasana. Et il te sera effacé mille et mille péchés. Et tu seras élevé de mille et mille degrés. Là, il a ni digne d'être adoré qu'Allah, il est l'unique, il n'a pas d'associé. Il a la royauté absolue, il a toute la louange, il donne la vie, il donne la mort, il est l'éternel vivant. Le bien est dans ses mains, subhanahu wa ta'ala, tout le bien, et il est capable de tout. Ben, le fait de dire ça, tu as toutes ces récompenses. Et cela te prouve que l'adoration, au moment où les gens sont inattentifs, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup à la personne. وَهَكَذَا كَذَلِكَ فِي صَلَاتِ جَوْفِ اللَّيْلِ حِنَا يَنَامُ النَّاسِ أفضل الصلوات بعد الفرائض قيام الليل، لأن الناس تغفل عن طاعة الله في ذلك الوقت وعن قيام الليل في هذا الوقت. فالذي يجتهد في القيام في هذا الوقت في جوف الليل حين ينام الناس يضاعف له الأجر والثواب عند الله. ومن هذا كذلك المتمسك بدينه في زمن الفتن، في زمن الصبر، زمن الغربة، غربة الدين، غربة السنة، غربة منهج الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يتمسك بهذا الطريق، بمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق ما منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويستقيم عليه وعلى طاعة الله عز وجل وعلى اتباع المصطفى في زمن الفتن وزمن الغربة كالزمن الذي نعيشه، له أجر 50 صحابي كما جاء صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لن يصل إلى مرتبة الصحابة، ولكن هذا يدلك على أن العبادات والتمسك بدين الله في زمن الغربة له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر شهر رمضان يغفل عنه كثير من الناس، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأكثر فيه يا عبد الله من طاعة الله عز وجل. Il en est de même pour les prières nocturnes au milieu de la nuit, au début de la nuit ou à la fin de la nuit et surtout à la fin au dernier tiers de la nuit, quand les gens sont pris par leur sommeil. Et les prières nocturnes sont les meilleures prières après la prière obligatoire. Et beaucoup de gens sont inattentifs à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Celui qui fait des efforts pour accomplir les prières nocturnes quand les gens sont dans leur profond sommeil, il a d'énormes hasanat chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'attache à sa religion, au moment de l'étrangeté de cette religion, et au moment de la marginalité de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alim, et celui qui se cramponne au livre et à la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alim, à l'époque de la marginalité de celle-ci, ben celui-là, il a des grandes récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que celui-là, il aura la récompense de 50 compagnons. Jamais il sera comme un compagnon. Mais cela te prouve la valeur et le mérite du fait de se cramponner à sa religion au moment où les gens se détournent de cette religion, de se cramponner au livre et à la sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs d'Allah, au moment où les gens suivent leur passion, suivent ce que leur dictent les gens, ou ce que leur dicte la télé, et ainsi de suite. Ou ce que leur dicte là, leur leader. Et cela veut dire qu'au moment de s'attacher, quand on s'attache à sa religion, au moment où les gens sont inattentifs à celle-ci, il faut s'attendre à d'énormes récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceci doit s'accomplir dans la sincérité, sincèrement pour Allah et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le mois de Sha'ban est un mois auquel beaucoup ne font pas attention. فَلَا تَكُنْ مِتْلَهُمْ يَا أَخَ الْإِسْلَامِ كَتِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يُلْقِي الْبَالَ لِهَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ وَمِنْ ذَلِكَ جَاءَتْ هَذَا التَّوَابُ الْعَظِيمِ إِذَا قَامَ الْإِنسَانُ بِصِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ وَبِالطَّاعَاتِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. Donc, le mois de Sha'ban est un mois auquel beaucoup de gens ne font pas attention. Ils sont inattentifs à ce mois. C'est pour cela qu'il en découle ces énormes récompenses. Donc, ne sois pas parmi ceux qui sont inattentifs à ce mois. Sois parmi ceux qui œuvrent et qui accomplissent les bonnes œuvres durant ce mois. Et suis ton messager dans cela, dans le jeûne, et aussi dans la lecture du Coran, et ainsi de suite. لأنه شهر ترفع فيه الأعمال لله والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ترفع أعماله وهو صائم ولنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا وأسوتنا. Et donc les œuvres sont élevées vers Allah et présentées à Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, et notre messager alayhi salatu wasalam aimait que ces œuvres soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala en état de jeûne. Donc c'est notre modèle. Nous devons le suivre et suivre sa sunna et accomplir ce qu'il accomplissait alayhi salatu wassalam. Fa jaa fi as-sahihayn min hadith Aisha radiyallahu anha wa ardaha al-hadith alladhi ma'arra ma'ana fi al-awwal anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam تقول يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رجح جمهور أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، لم يصمه كله، وإنما كان يصوم أكثر شهر شعبان. ويشهد لذلك كلام أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان. وفي رواية عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. هذه تشهد عائشة رضي الله عنها أعلم برسول الله بما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيهة هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه، ما رأت رسول الله صام شهرا كاملا منذ دخل المدينة، أي كان يصوم جل الشهر وأكثر الشهر، لكن لم يكمل شهرا كاملا إلا رمضان في الصيام صلوات ربي وسلامه عليه. دونك بك le hadith de Aïcha avec lequel nous avons commencé, où Aïcha a dit le messager d'Allah jeûnait si bien que on dit qu'il ne rompt jamais le jeûne. Il rompit le jeûne si bien qu'on dit qu'il ne jeûne jamais. Et il a dit jamais le messager d'Allah a amené à bout le jeûne d'un mois, sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner plus que durant le mois de Ramadan. Partant de là, la parole prépondérante chez les hommes de science, c'est que le prophète alayhi salam n'a jamais amené à bout le jeûne du mois du Shaban. Il a jeûné la plus grande partie du mois du Shaban, mais jamais il a amené à bout le jeûne jusqu'à la fin du mois, tout le mois. Et ceci, il a un autre témoignage, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Aïcha radiallahu anha wa ardaha, la jurisconsulte de cette communauté, et qui connaissait si bien les actes du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit radiallahu anha wa ardaha, je n'ai jamais su que le messager a jeûné un mois complet à part le mois de Ramadan. Il affirme que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais jeûné un mois complet que durant le mois de Ramadan. Dans une autre version de l'imam Muslim, Aïcha dit radiallahu anhu wa arda, je ne l'ai jamais vu jeûner un mois complet depuis qu'il est rentré à Médine. Je ne l'ai jamais vu jeûner un mois complet depuis qu'il est rentré à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le jeûne, on jeûne la plupart du mois. On jeûne la plupart du mois, mais on ne jeûne pas tout le mois. Le prophète alayhi salatu wassalam ne jeûnait pas tout le mois. Wa kadhalika aydan yaqul ibn Abbas radiyallahu anhuma kama fi as-sahihayn ma sama rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahran kamilan qattu ghayra ramadan. Ma sama rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahran kamilan ghayra ramadan. Et aussi le hadith rapporté dans les authentiques, la parole d'Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, jamais le messager a jeûné un mois complet à part le mois de Ramadan. فهذان الحديثان كلام أمنا عائشة وكلام ابن عباس رضي الله عنهما يدلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر شعبان، وإنما كان يصوم أكثر شهر شعبان. Ces hadiths, ces paroles de Aïcha et celles de radiyallahu anhu wa arda et celles d'Ibn Abbas, tout montre comme quoi, tout clarifie sur la situation que le prophète al-Sattoum n'a jamais jeûné un mois complet, et jamais il a jeûné à part le mois de Ramadan, et que jamais il a jeûné Shaban complètement. Mais il jeûnait la plus grande partie du mois de Shaban. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Wa sahha aydan anhu sallallahu alayhi wa sallam min hadith Anas radiyallahu anhu wa arda عند الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب قال أنس رضي الله عنه كان أحب الصوم إليه في شعبان أي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكثر الصيام في شعبان، فكان يحب الصيام في شهر شعبان، وهذا يدلك على فضل صيام شهر شعبان. Et il a été rapporté dans l'authentique chez l'imam Ahmed, dans le hadith authentique chez l'imam Ahmed, et il est dans Sahih Targhib, le Cheikh l'Albani, Anas a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup jeûner durant le mois de Sha'ban. Il aimait beaucoup le jeûne durant le mois de Sha'ban. Et si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup jeûner le mois de Shaban, cela prouve les mérites de ce mois et les mérites du jeûne durant 6 mois. Donc il ne faut pas se priver de cette saison méritoire que nous avons en face de nous et de ce noble acte qui est le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup. Et nous arrêtons là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahumma wa sallimu wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Jazakumullahu khairan.